Ouais, si tu veux. Si t'as un nanana, nanana, nanana, nanana. Non, ça c'est un. Est-ce que tu penses être sérieux? Je suis en train de recharger une batterie. Andalousie. C'est quoi, c'est là déjà? Corrida. Corrida, c'est ça? Ouais. Ça s'appelle comment? Moi, je suis pas très. Je suis même pas du tout. Je suis pas du tout Francis Cabrel. Mais alors, pas du tout, mais c'est pas grave, je peux quand même essayer. Francis Cabrel. Ah. Mon Dieu. Oh, depuis le temps que je patiente. Putain, mais c'est long. Si, hombre. Hombre, baila, baila. Cabal au fond du jardin, j'y vais quand j'en ai besoin. Ah, putain, j'ai un synthé qui est trop près, il y a trop de synthé. J'ai pas de place, putain. Putain, il faut que j'aille au fond du jardin. Ah, ça y est, ma carte son qui déconne. Pourquoi ça déconne? Qu'est-ce pas ça? Eh, ça craque. Qu'est-ce, pourquoi ça craque? Allez, nouvelle mise à jour, j'ai compris pourquoi. Phil, bonjour. Depuis le temps que je patiente cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse, qu'on chante au bout du couloir. C'est un peu mou là, non? Bon, je vais mettre la batterie. Allez, la batterie. C'est une batterie un peu spéciale. C'est pas la bonne batterie. Ouais, je m'entends. C'est où les trucs? Qu'est-ce que je peux mettre comme... quoi mettre comme batterie. Bon ben je mets pas de batterie. Ben je sais pas combien. Ah, je t'entends Phil. Ah non. Oula mais t'as repiqué ton ampli comment là Phil. Phil il joue quoi? Il y a une espèce de petite friture là. Ouais, il y a quelque chose qui déconne. Ouais, c'est un micro, c'est parce qu'il a un micro en fait. Ouais, il a un micro. Il joue pas au casque. Il joue pas au casque là. Et il doit avoir un micro qui repique ton instrument. Mais bon, c'est pas grave, on entend un petit peu, mais bon. Crépite comme un feu de bois au fond de ma maison. Tu vois, ça va un peu plus vite, non? C'est quoi le tempo d'origine de cette chanson là? Putain, je m'entame. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a

soir ma femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Ils ont frappé fort dans mon cou pour que je m'incline. Ils sortent tous ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées. Sentir le sable sous ma tête, c'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête, Andalousie. Autour d'une tombe. Si c'est hombre, hombre. Baila, baila. Hay que bailar de nuevo. Mataremos otros. Otras vidas, otros toros. Mataremos otros. Venga, venga, la bala. Venga, venga, vaya, mataremos otros. Qu'il a fait comme chanson Raphaël. Putain, la publicité là, ça me bloque les paroles maintenant la publicité. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est pas Raphaël ça. Putain, mais il en a fait des chansons lui hein. Sur la route, sur la map monde, Paul l'oiseau, on se dit qu'on peut gagner l'eau, on a le ciel dans une goutte d'eau, on cherche à tous un bon destin, la vie s'écoule entre nos mains, la joie, la peine, notre chemin, traverser Thank you. essayer de faire le refrain. Ok, formé. Alors attends. Remember. Comment tu la joues toi? En fa. Used to say da da da da. I like Chopin. Love me no one again. Rainy day. Test the chorus. Qui vont pas aimer Gazebo, les hard rockers. Quand tu le chantes, ça monte vachement. Oui. Thank you. Yes, too fast. C'est 120, je pense. Remember. 1, 2, 3. Je mixe. Ça fait comme ça. Ça fait. On va vous faire un peu chier.